Sandorf leur désigna un point mouvant sur l'écran des caméras panoramiques. Voici l'Arlun. Pour prouver la véracité de ses dires, il effectua un zoom et l'image sauta littéralement au visage des spectateurs, leur faisant découvrir un véhicule antédiluvien se déplaçant sur coussin d'air. Assis dans le baquet, tenant négligemment le volant d'une main, un être aux membres grêles et à l'étroite figure chevaline. Pendant de longues minutes, ils purent suivre sa progression tranquille, son habileté à glisser son engin parmi les éboulis rocailleux en évitant d'être trop secoué, à contourner les roches les plus importantes et les quelques taillis épineux qui parsemaient son chemin. « Avec un pareil taco, il a bien du mérite à venir jusqu'à nous. » énonça Corton d'un ton goguenard. Toujours sous l'œil des micro-caméras qui surveillaient continuellement les environs, l'Arlun stoppa son aéroglisseur après l'avoir engagé sous les arbres parasols. Il en descendit, s'assura d'un regard qu'il était invisible depuis les airs et se dirigea tranquillement vers la grotte abritant le repère de son ami humain. Celui-ci l'attendait dans l'antichambre, entouré de ses hôtes et de l'octopode. Le visage allongé de l'octochtone de Coriolan s'étira en une grimace joyeuse et il émit une sorte de barrissement avant de se précipiter sur Sandorf et de l'entourer de ses bras. Malgré la haute taille de l'agent de l'OMU, il le dépassait encore d'une bonne tête et Mazin s'aperçut que sa fragilité n'était qu'apparente. S'il paraissait maigre, c'était surtout parce qu'il possédait un exosquelette et que ses membres étaient très allongés. En fait, vu de près, la première impression était complètement modifiée et la jeune femme estima qu'il ne devait pas être bon de lutter contre lui à main nue. Ses bras, qui semblaient fluets, étaient animés par des muscles longs aussi dur que des tendons, et ses mains, larges comme des battoirs, possédaient 6 doigts dont 2 pouces. Ses jambes, légèrement arquées, étaient aussi musclées que celles d'un kangourou dont elles avaient l'aspect, ce qui lui donnait d'ailleurs une allure un peu soutillante lorsqu'il se déplaçait. Sa tête à la mâchoire allongée et à la dentition d'herbivore possédait 2 petits yeux très enfoncés dans les orbites et un embryon de 3e œil au milieu du front. Le nez, épaté, était surmonté de 2 membranes cornées permettant l'obturation des narines en cas de besoin. L'Arlun n'aurait certes pas eu le premier prix à un concours de beauté, mais il se dégageait de sa personne un sentiment de sérénité qui déteignait sur ses proches. Et Mazas n'échappa pas à cette espèce d'envoûtement subtil qui amenait ceux qui le subissaient à mettre de côté leurs problèmes pour ne plus considérer que les bons côtés de la vie. Sandorf, qui savait l'effet que produisait son frère de sang sur tous ceux qui l'approchaient, s'amusait à voir ses compagnons très détendus d'un seul coup. Très zen, pour tout dire. Le charme se rompit lorsque l'Arlun abaissa la paupière de son œil pinéal. Subitement, les fugitifs reprirent leurs esprits et leurs soucis. « Bon sang ! Il est redoutable, ce type ! Il a réussi à nous endormir rien qu'en nous regardant. »« C'est l'effet dû à son 3e œil. La plupart de ses congénères n'en possèdent plus qu'une ébauche inutile. Mais l'Arlun et une toute petite minorité de Cariolanais détiennent encore les facultés de cet organe qui tend, hélas, à disparaître. Mutation génétique naturelle, je suppose. » L'autochtone de Coriolan serra énergiquement la main de ceux qui l'accueillaient avant d'entamer une sorte de bras de fer amical avec Arx tout en barrissant de plaisir. Les deux non-humains, ayant satisfait ce qui paraissait être une coutume bien rodée entre eux, sinon un rite entre initiés, ils réintégrèrent tous l'intérieur du refuge. Autour d'un verre de Vurguse, ou d'un jus de morangelle pour ceux qui préféraient quelque chose de moins alcoolisé vu l'heure de la journée, qui se prêtait plus au petit-déjeuner qu'à l'apéritif, les hôtes de Sandorf firent plus ample connaissance avec le Coriolanais. Celui-ci s'avéra d'un abord très agréable, et tous furent rapidement conquis par sa personnalité, même si Mazas ne put s'empêcher à plusieurs reprises de s'assurer qu'il gardait bien fermé son troisième œil. Son manège n'échappa pas au chasseur et amena plus d'un sourire sur ses lèvres. La situation fut expliquée à Larloun et la question qui l'hantait lui fut posée. « Connais-tu un moyen de quitter le système de Coriolan sans nous faire prendre par tous ceux qui nous courent après ?» L'indigène se cala confortablement dans son siège, attrapa son verre et but une gorgée d'alcool, puis il ferma les yeux se plongeant dans une méditation que se gardèrent de troubler les autres occupants de la pièce. Pendant de longues minutes, une pesante chape de silence s'abattit sur la petite assemblée, à peine rompue par le bruit d'un verre reposé sur le dessus vitrifié de la table. Enfin, Larloun rouvrit les yeux et posa un regard satisfait sur son entourage. « Je crois que j'ai trouvé une solution. »« Laquelle ?»« Le conteneur de Thoth. »« Ce n'est pas possible, mon frère, tu délires. » Chapitre 7 La divine huile de Tuttle. Larloun ne se laissa pas décontenancer par l'exclamation de Sendorf. Son œil pinéal s'ouvrit et il affirma d'une voix tranquille « Pas du tout. Je crois que cette solution est bonne, parce que personne ne pensera que vous puissiez passer 15 jours plongés au sein d'un conteneur d'huile de Tuttle. » À juste titre, c'est impossible. » Maza s'intervint. Qu'est-ce que le Tuttle? Une huile tirée d'une plante de Coriolan 2 qui sert au traitement des bois précieux de Merel 4. Mais encore? Larloun prit le relais de son frère de sang. Je suppose que vous connaissez tous le bois de Merel. Et comme il hochait la tête affirmativement, il poursuivit. Ce bois, pour garder toutes ses qualités de grain et de longévité, nécessite un traitement prolongé dans l'huile de Tuttle. C'est pourquoi un commerce régulier existe entre les systèmes de Coriolan et de Merel, même si celui-ci ne fait pas partie des bons indépendants. Les Méréliens l'ont d'ailleurs presque divinisé tellement ils en sont tributaires pour l'obtention de produits sans le moindre défaut. Soit, mais je ne vois pas où tu veux en venir. Sandoff a bien compris, lui. Ironisa l'indigène. Et ma solution ne lui convient pas. Pourtant, je persiste à penser que c'est la meilleure et la plus sûre. Explique-toi. Les quantités d'huile qui transitent entre les deux planètes sont très importantes et leur transport par transmetteur ou même par cargo serait beaucoup trop onéreux. Aussi, les dirigeants humains de ces deux mondes ont mis au point un système consistant à utiliser un train de tankers téléguidé. L'huile arrivait à destination 2 semaines après son départ d'ici. Et gros avantage sur l'astroport de Merel 4. Il y a un transmetteur qui peut vous mener directement sur un des mondes de l'Empire. Et tu penses que nous pourrions utiliser cet tanker pour nous échapper? Un de mes cousins est contremaître sur le terminal de Verage, d'où partent toutes les expéditions. Il ne devrait pas éprouver trop de difficultés à vous introduire dans l'un des conteneurs. Mais n'importe quelle vérification au scanner montrera aussitôt qu'il y en a un de vide. Objecta Goral. Sa réflexion déclencha une suite de barrissements joyeux. Tandis que Sendorf se prenait la tête entre les mains d'un air accablé. Mais il n'y aura aucun tanker vide. S'esclaffa Larloun. Alors je ne comprends pas. Tu vas tout de suite comprendre. Les conteneurs seront pleins et nous serons dedans. Gronda Sendorf. Les fugitifs se regardèrent interloqués avant de quêter les explications supplémentaires. Le Coriolanais ne se fit pas prier. L'huile y est très dense pour un liquide et vous y serez totalement indétectable. Tu veux nous immerger dedans? S'exclama Steve. Vous possédez des combinaisons étanches de survie, aussi vous devriez pouvoir supporter un séjour de 15 jours dans l'huile. Ça ne va pas! S'écria Corton d'un ton incrédule. « Hélas, si! Vous comprenez maintenant pourquoi l'idée de Larloun ne m'a pas fait sauter de joie. » Lorsque tout le monde se fut calmé, Mazas continua à interroger l'indigène, obtenant des réponses à toutes ses objections. Au bout d'un moment, elle s'adressa à Sendorf. « Ce que vient de nous dire Larlon se tient. Le voyage n'aura rien d'une partie de plaisir, ça c'est sûr. Mais je crois que nous avons de bonnes chances de réussir. Et tout se passe effectivement comme le pense mon adorable frère de sang. Mon gréa le chasseur. Et voilà. Les interprètes pour cette 13e partie sont K00 dans le rôle de Mazas Mavel, Christophe dans le rôle de Stevomir Ersing, Kael dans le rôle de Corton Nagez, Fred dans le rôle de Goral Tosef, Kael dans le rôle de Sandorf, Kael dans le rôle de Larlun et moi-même dans le rôle d'Ax et à la narration. L'histoire et la majorité des personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. L'enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons et est une production 2008 des éditions de l'Avenir. Toutes nos productions sont disponibles gratuitement sous forme d'audiobooks ou d'audiodramas via notre blog à l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.